Leçon 2, page 16, activités 2 et 3, piste 8. Comment tu t'appelles ? Emma, et toi ? Hugo. Moi, je m'appelle Félix. Et moi ? Alice.